Leçon 30. 30e leçon, le départ. Première partie, il faut que les Delon retournent au Canada. Maintenant, il faut que nous partions. Je regrette qu'il ne nous soit pas possible de rester plus longtemps. C'est dommage que le temps passe si vite en vacances. Paul, lui, est ravi de partir. J'ai peur qu'il ne veuille pas revenir en France de si tôt. Je sais bien qu'il est encore jeune et qu'il a le temps de changer. Mais je crains qu'il ne remporte un mauvais souvenir de son séjour ici. Il a hâte d'arriver à Québec parce que Luc Houbet va lui faire envoyer une belle bicyclette neuve. Luc Houbet et Marie-Claire Martin ont été très gentils avec lui. Je suis content qu'il se soit quand même fait des amis. Nous allons passer par l'Angleterre. Je voudrais que Paul voie un peu la capitale anglaise et qu'il puisse la comparer avec Paris. Je veux aussi qu'Yvonne fasse connaissance avec Londres.